un rassemblement de la classe ouvrière et des syndiqués pour féliciter la réussite au lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14 a eu lieu le 12 courant dans la cour d'éducation du haut lieu révolutionnaire de Pyeongchang à Pyongyang. Y ont pris part Lee Il-hwan, chef de département du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres intéressés, les syndicalistes, les ouvriers et les syndiqués. Avant le rassemblement, les participants ont déposé les bouquets de fleurs devant la fresque en mosaïque figurant le président Kim Il-sung qui se trouve avec le général Kim Jong-il et Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise, avant de rendre hommage. Les orateurs ont dit que la réussite au lancement expérimental de la fusée façon 14 est la manifestation nette de la vigueur héroïque et du potentiel national inépuisable de la puissance Paektusan et la grande victoire après avoir asséné un coup mortel aux ennemis qui se démènent frénétiquement pour empêcher la progression de la Corée. Ils ont souligné que les exploits immortels du dirigeant suprême Kim Jong-un, qui a manifesté le prestige de la puissance nucléaire invincible de l'Orient et de la puissance de fusée d'ordre mondial, et qui assure fermement l'avenir éternel de la nation du Soleil, brilleront à jamais avec la prospérité de la Corée du Tout-Tché.